Alchimie du verbe. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouver dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Je rêvais croisades, voyages de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religions étouffées, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne. Et, avec des rimes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges.